désirant, Seigneur, une seule chose aujourd'hui. Alors que nous chantons, viens transformer nos vies. Élève-toi, élève-toi. Désirions plus que ta présence au milieu de nous. Alors que nous chantons, viens, viens au milieu de nous. Viens changer nos cœurs, viens transformer nos vies. Élève-toi, élève-toi.